you. Hosanna, kolo kumisama. Hey, Hosanna, Papa. Hosanna, Hosanna, kolo kumisama. Ngaye, ngaye, apesi lisusu Biblia raison. Kope sa confiance na moto. Ezali malédiction. La promesse motine de son et qu'on soukana déception. Où était nos sonnets qui lit Oyo et Zanamo, c'est illusion. Atanandaï Mokoyo, la mekaka na souka confondu. Motema nanga kolo, yo lobi ezali tordu. Anandimi ezaya solo, car mes projets n'ont pas mordu. Minanga pote kende liboso, akayo Seigneur Jésus. Pas gestion, pas direction. Y'a bon moi, y'a bon moi, papa, ça là, partout, révision. Y'a ma bébé, ba erreur, y'a so. Oye, mes manga, y'a perdition. Na y'a bien, que pas y'a yo. Mais na la suite, bénédiction. Saveur, kitoko epesi nsunga, un parfum de bonne odeur. Yosukoli yongengi singai, lela na komi en couleur. Grâce à toi, kolonanga, toute ma vie est splendeur. Et tout malanga yobunga, peyo remporte la victoire. Banguna nangai babwa kangunda, pour na bango plus d'espoir. Zala nangai kakampunda, yo sala nangai pour ta gloire. Amo sala nangai amonda, tout ici bas doit te voir.